même s'il y a 2 ans déjà que tu l'as vu pour la dernière fois, même s'il y a 2 ans déjà, elle est toujours là, là tout au fond de toi, tu penses à elle, tu penses à elle. Même s'il y a 2 ans déjà qu'elle est partie pour un autre que toi, même s'il y a 2 ans déjà, tu rêves encore de la tenir dans tes bras, tu penses à elle, tu penses à elle. Et si maintenant tu la voyais là devant toi, même s'il y a 2 ans déjà, lui dirais-tu que tu l'aimes encore, même si elle t'a fait du tort? Et si maintenant tu la voyais là devant toi, même s'il y a 2 ans déjà, lui dirais-tu que tout peut changer si elle croit s'être trompée?